le zoo et la portée si belle, les chansons prêtes à te bouffer. La science doit de t'agrandir, l'argent nous fait tous débloquer quand c'est tranquille de t'exploiter. L'homme qui se croit supérieur n'est autre qu'un peur, ne vit qu'en cas d'erreur. Il faut s'empêcher de rond, se servant d'aliments en guise de capitaux. Il croit en toi que de la fourrure, ta vie se passe entre quatre murs pour ces salopes et vos peintures. Dans les labos, on te torture sous prétexte de recherche obscure, ces gens-là sont de tes ordures. L'homme qui se croit supérieur n'est autre qu'un peur, ne vit qu'en cas d'erreur. Il faut s'empêcher de rond, se servant à l'abattoir où tu finiras. Tant qu'on sera là, on se battra. Une chose est sûre, tout ça changera. L'animal reprendra ses droits. L'homme qui se croit supérieur n'est autre qu'un tueur, ne vivant que d'erreurs. Il faut s'empêcher pour en se servant d'aliments en guise de capitaux. Se croit supérieur, n'est autre qu'un tueur, ne vivant que d'erreurs. Il faut s'empêcher pour eux, se servant d'animaux en guise de capitaux.